Et en 2018, tout le monde aime le foot. Mélenchon va au Vélodrome à Marseille, alors qu'avant, il disait détester ce sport. Mais comme il veut la mairie, il s'adapte. Hein. S'il voulait s'installer à Rennes, il jouerait au Diabolo décalqué à la 8-6 avec des punkachiens en pantacourt. L'écrivain Jean-Paul Enthoven déclare un grand match m'excite comme un rendez-vous galant. Hein, c'est le seul qui dit nos chandelles face à la télé et à la fin fait l'amour à l'écran via la prise HDMI ou le port USB les soirs où il a un peu froid. Bernard Pivot, l'homme capable d'écrire ornithorynque correctement les yeux fermés et sans stylo, adore lui aussi le foot, ainsi que Raphaël Glucksmann et Finkielkraut. Le foot, c'est notre dernier point commun, le seul moment où on peut tous s'aimer. Parce qu'à la fin d'un match victorieux, quand on a bu trop de rosé, eh ben on a envie de repeupler la France avec la première personne qui passe, y compris son cousin ou son chat. Hein, pour le distinguer, le chat, c'est celui qui arrive à sauter en haut de l'armoire pour échapper à son sort, tandis que le cousin hurle « Non !» Grégoire Margoton et Vicente Lizarazu, je les aime bien, mais à un moment, je me suis dit, ils vont se suicider en fait. Vraiment, on va vivre un moment historique, ils vont se foutre en l'air. Je crois que Margoton, il fait si la France doit quitter ce premier tour, elle le fera à 23. Mec, c'est le premier match de la Coupe du Monde, t'es même pas mené au score, tu vois, tu parles déjà de quitter le premier tour. C'est quoi ce défaitisme? On aurait dit Leïla quand quelqu'un lui fait oui, bah, Laurent Deleuze, il présentera pas le JT toute sa vie, t'inquiète pas. Et qu'elle dit si, je le connais, il lâchera rien, ce bâtard. Je suis condamné à faire des. Mes oreillons sifflés, dans une émission de branquignol pour toute ma life. Je suis foutu, même pessimisme. Oui, Charline, on vient de l'évoquer, c'est simple. Italie, États-Unis, Allemagne, France, plusieurs grandes nations mondiales viennent donc d'entamer le ramigrant. C'est comme le ramadan, sauf qu'au lieu d'arrêter de manger, on arrête de sauver des êtres humains pendant un mois. Un moment convivial où les pays riches font comprendre aux migrants qu'ils ne sont plus les bienvenus et qu'ils doivent retourner vivre chez eux en étrangie ou au pauvristan, que sais-je. Alors je dis migrant, mais on m'a expliqué qu'il fallait plutôt dire réfugié, le mot réfugié. Du coup, moi, j'ai longuement hésité entre les deux termes et j'ai finalement décidé d'utiliser le mot criminel, Charline. Ah non, tu m'appelles monsieur le chroniqueur ou monsieur Begbédé, hein, un peu de respect, putain de bordel. Quant à Sonia, déjà, tu commences par avoir des diplômes, hein, et puis te nourrir par toi-même. Ah d'accord. Quand tu sauras te nourrir par devers toi-même, là tu pourras faire la révolution. Oui, monsieur le chroniqueur. Okay. Bon, ceci est mon avant-dernière chronique et comme vous le constatez, on est tous un peu sous tension. D'ailleurs, c'est le titre du Monde d'hier, la Macronie au bord du burn-out généralisé. Tout le monde pète les plombs au sommet de la France et donc on a tous bien besoin d'un spa auditif. Allez, tournée de flûte de pan pour tout le monde. Tu déboules dans une forêt de Rambouillet au milieu des marronniers et des chênes. Tu rentres dans une tente à druides, tu bois une tisane, tu fumes un gros machin roulé dans des feuilles de gui. Et quand tu ressors de la tente, t'es plus défoncé qu'une roulotte de gitan, plus défoncé qu'un fitoussi en espadrille louboutin dans la campagne. Il n'y a plus de chênes ni de marronniers, c'est des palmiers, des baobabs, il n'y a plus de moineaux, il n'y a plus de mésanges. Ils sont transformés en cacatoès et en colibris rouges fluo. Tout le monde est nu, même les plantes. Tu tombes amoureux d'une fougère à qui tu commences à caresser les feuilles en lui faisant des promesses de dragueur fou. Quand j'ai su qu'aujourd'hui c'était la journée mondiale du nudisme, j'ai eu envie, par pur esprit de contradiction, pour la première fois de ma vie, de porter une culotte. Ben j'aime pas du tout ça. Ah ouais, ouais. Non, parce que j'ai l'impression d'emprisonner ma vulve, qui jusqu'à présent a été très correcte avec moi. Étonnante même. Parce que quand j'appuie à tel ou tel endroit... J'adore. Calmez-vous, vous aurez. Si, mais essayez. Appuyez à plein d'endroits sur vos vulves, les filles. C'est hyper sympa. On peut le faire sur les vulves des... Non, d'accord. C'est chacun sa vulve. Tenez, vous, Alex. Dites-moi. Vous allez prendre cette queue de bœuf mystique. On se connaît à peine. Vous l'agiterez pendant l'incantation. Elle chercherait les nuages du ciel de France pour les repousser vers le Burkina. C'est une vraie queue de bœuf que... Oui, tout à fait. Faites attention parce qu'elle est mystique. Hein. Ah, oui. J'agite comme ça. Voilà, tout à fait. Pendant l'incantation. En direction du Burkina, là, c'est la Suisse. C'est n'importe quoi, on n'y arrivera jamais. Pendant l'incantation, attention. Vous, Guillaume... Oui. Voilà, vous allez porter ce chapeau traditionnel. Et alors ça me va impeccablement. Hein. Voilà, tu serviras de paratonnerre au cas où les choses tournent mal. Ah d'accord, donc c'est moi qui suis responsable de tout ce qui est foudre sur ma gueule en fait. D'accord. Alors vous, ma sœur Charline, vous allez prendre ce pilon qui n'a aucune fonction pour la météo, mais qui vous aidera à ramener ces deux lascars sur le droit chemin. J'en avais un plus gros, mais ça laisse des séquelles. Vous avez un gourdin, bien sûr. Alors maintenant, vous allez répéter... tous après moi amouré cette formule magique. Bantar bantar bantar kulgusin den den tun turisio. Nous juste on agite, hein. On faut pas tout faire en même temps.